Laisse les gondoles à Venise. Doubidoubidou, ladies and gentlemen, we are now landing in Arlanda International Airport. L'été indien commence à peine en ce début octobre, lorsque 3 heures environ après avoir quitté Nice, Faustine et Maxime atterrissent à Stockholm. À l'occasion de son second déplacement en avion, la jeune femme confirme son engouement. Tout lui plaît dans le voyage. L'anticipation, la préparation, le trajet en soi. Vraiment, elle est conquise. Sans parler de la magie de ces ailes immenses qui vous emportent dans les airs par la grâce d'une force de propulsion irrésistible. Pour vous déposer, quelques instants plus tard, à des milliers de kilomètres de votre point de départ. Pour elle, tout ce qui précède, tout ce qui suit, car elle aime bien rentrer chez elle aussi, pensant déjà au voyage suivant, est presque plus important que le séjour lui-même. Partir, revenir, quitter, retrouver, fuir la monotonie, le quotidien, la famille. À moins que ce ne soit elle-même. Chien et loup sont rentrés. Il fait déjà bien nuit quand nos deux comparses grimpent dans la navette qui relie l'aéroport à la Venise du Nord, patrie de Greta Garbo, Ingrid Bergman et tant d'autres. Pas de petit hôtel sympa cette fois, mais un bloc Sheraton, aussi impersonnel que banal, dont le seul avantage est d'être au bord de l'eau. Mais qu'est-ce qui ne l'est pas à Stockholm, la ville aux mille îles? Au moins, l'hôtel est-il situé en face de Gamla Stan, la vieille cité aux ruelles piétonnes si caractéristiques, où se retrouvent notamment le palais royal et le musée Nobel. Après avoir déposé leur sac dans la chambre, Maxime propose à Faustine de tester le sauna de l'hôtel, ce qu'elle accepte avec joie. Ils investissent une cabine libre où ils transpirent consciencieusement pendant les 20 minutes que dure la session. Que ça sent bon l'eucalyptus, que ça détend bien. Maxime rajoute de l'eau sur les pierres, fait monter la température à 70 degrés. Faustine apprécie la sensation de se réchauffer jusqu'à la moelle épinière. Elle est ravie de cette nouvelle expérience. Après le bain de chaleur, les deux amants s'installent sur les deux seules couchettes restantes de la salle de repos. Toutes les autres sont occupées par des hommes d'affaires bien gras. Ceux qui ouvrent les yeux en les entendant arriver se font d'un sourire à l'intention de la donzelle. Faustine est la seule femme nue dans la pièce. Mais elle a l'habitude des camps de naturistes où elle est allée souvent avec son oncle et sa tante. Par ailleurs, elle sait la Suède réputée pour son libéralisme, donc ça ne l'étonne pas plus que ça. Elle est en passe de s'endormir quand tout à coup, une tornade blanche déboule. La préposée du sauna, l'ayant aperçue, manifeste bruyamment sa désapprobation en suédois. Des hommes rient. Un client explique en anglais. L'endroit est réservé aux messieurs. Faustine n'a rien à faire là. Bien vite, l'employé recouvre la coupable d'une épaisse serviette de bain avant de lui montrer la sortie d'un geste impérieux. Si Maxime n'était pas intervenu pour signaler qu'elle est avec lui, elle l'aurait sans doute dénoncé pour racolage. Manquait plus que ça. En pouffant de rire, les fautifs s'excusent et s'enfuient dans leur chambre. Que c'est bon l'amour avec une peau toute douce. Maxime ne s'en lasse pas. Les derniers mois de sevrage ont été longs. Il a du manque à rattraper. Le lendemain matin, comme lors de leur premier séjour parisien, son ingénieur d'amant se levant tôt pour aller au Turbin, Faustine le suit. Bien obligée si elle veut manger. Son copieux petit déjeuner avalé, elle remonte se coucher sans vergogne. Encore épuisée du voyage et de la courte nuit, elle dort jusqu'à ce que les femmes de chambre l'obligent à vider les lieux. Le temps de s'habiller, de mettre son bouquin, une carte de la ville dans son sac, et la voilà dehors. Droit devant, elle traverse le Vasabrunn, le pont Vasa, qui mène à Gamla Stan, et elle baguenaude longuement dans les ruelles. Comme à Bâle, comme à Paris, Faustine respire la ville, dont elle sent le pouls battre sous ses pieds. Toute velléité poétique mise à part, peut-être que le métro y est aussi pour quelque chose. Faustine passe plus de temps le nez en l'air qu'à visiter des monuments. Ce n'est pas qu'elle néglige l'histoire, non. Simplement, elle lui préfère les gens, la vie, le quotidien des individus. Pour elle, ils sont plus importants que les vieux cailloux, sauf le respect qu'elle leur doit. Elle ignore tout encore du métier de touriste. Le guide du routard ? Connaît pas. Pas plus qu'elle n'a eu l'idée de préparer son voyage en consultant des cartes. Elle préfère apprendre sur le tas par immersion, observer les autochtones, rechercher les magasins d'alimentation, se promener dans les marchés, ouverts ou couverts, quand il y en a. Faustine, à cette époque, est bien plus intéressée par ce que mangent les habitants d'un pays, par le prix des produits, des aliments, des vêtements, que par les vitraux et les gargouilles. Le premier jour, elle a encore sur elle 3 francs 6 sous et peut se permettre un croque-monsieur dans un café. Depuis longtemps, elle entre seule dans les restaurants, n'imaginant même pas que ça n'a pas toujours été autorisé aux femmes. Il arrive qu'on l'observe avec curiosité, mais elle n'en a cure et se choisit une place dans un endroit bien éclairé. Elle n'a pas oublié son livre, longuement et minutieusement choisi. Un rituel qui fait partie intégrante du plaisir de voyager. Peu à peu, elle en adaptera l'épaisseur à la durée du déplacement, au temps d'attente dans les aéroports ou les gares, aux après-midi à patienter que la conférence ou le séminaire de Maxime se termine. Elle sélectionnera toujours des livres de poche, légers et maniables, même en pavé. À Stockholm, elle a emporté « Lolita » de Vladimir Nabokov. En le lui conseillant, Maxime lui a révélé que l'auteur est décédé à Lausanne, le 2 juillet dernier, juste avant qu'ils viennent à Lyon. Faustine est captivée par ce livre sulfureux. Elle n'oubliera jamais le passage dans lequel l'auteur décrit la maman de Lolita courant poster la lettre de dénonciation qu'elle vient d'écrire au juge. Elle y déclare avoir surpris son tout nouveau mari en position scabreuse avec sa propre fille. La pauvre femme est renversée par une voiture juste devant la boîte aux lettres. Morte sur le coup. Le lendemain, Faustine n'a plus d'argent. N'osant encourir son mépris, elle ne l'avoue pas à Maxime. Il y a des moments comme ça où elle se sent un peu seule. Comme son homme rentrera relativement tard, qu'elle prévoit de beaucoup marcher et ne souhaite pas dépérir, cette fois elle s'organise. Hier, elle a constaté que les plateaux de petit-déjeuner attendant dans le couloir le bon vouloir des filles d'étage était souvent bien garni. Alors, ce matin, elle se remplit un petit sac avec les viennoiseries et les petits sandwichs sous cellophane qu'elle trouve. Voilà qui fera bien l'affaire. Ce n'est pas qu'elle pense tout le temps à manger, non? Souvent, elle oublie d'ailleurs, préférant une cigarette. Mais les petites réserves la rassurent. Aujourd'hui, Faustine a choisi de commencer sa journée en visitant le centre commerçant de la ville. Stockholm est une ville moderne, aérée, avec de larges avenues entrecoupées de places majestueuses. Ce qui frappe la visiteuse, c'est le silence sinistre qui règne partout. Pas de cris, pas d'interpellations, tout le monde marche sans bruit. On dirait que les gens sont punis ou dépressifs. Elle ne croise pas d'enfants non plus, ni de mamans poussant l'endo. Personne ne court, personne ne rit, ni ne chante, comme c'est le cas chez Alagrasse ou encore en Italie. Franchement, on dirait une ville morte. Écrasée par tant de sérieux, Faustine s'enfuit pérégriner ailleurs. En poursuivant sa route vers l'est, elle arrive sur l'île de Djurgården. Elle monte sur la colline de Skansen, espère voir le zoo. Fermé le matin, malheureusement, alors elle tente Grönalund, le parc d'attractions. Pareil. Elle est venue beaucoup trop tôt. Tant pis. Longeant le bord de mer, elle refait tout le chemin en sens inverse, passe par Gamlastan et aboutit à l'ascenseur Katarina, une autre attraction de la ville. Là non plus, pas de chance, elle n'a pas les 3 couronnes nécessaires pour monter au sommet. Basta, il est plus que temps d'aller faire une petite sieste. Ce soir, quand Maxime débarque, il a tout un programme. Pour commencer, la visite du musée Vasa. Il explique à Faustine. Le Vasa, c'est un vaisseau suédois qui a chaviré puis sombré à 1 mille, 1,6 km, du port lors de son voyage inaugural. La faute incombait à la structure du bâtiment. Trop lourd dans les hauts et pas suffisamment lesté. Le roi n'arrêtant pas de donner ordre et contre-ordre, les pauvres menuisiers essayant de composer avec les bois déjà coupés qui, pour finir, ne correspondaient plus aux plans de l'architecte naval. Dans le musée, on peut lire, en anglais bien sûr, qu'en 1961, lors du renflouage du navire, il a été retrouvé des milliers d'objets. Vêtements, vaisselle, armes, outils, pièces de monnaie, mais aussi des aliments et des boissons, ainsi que les restes d'au moins 25 personnes. Dans une salle immense, on peut admirer les petits artefacts scellés dans des conteneurs en plastique, remplis d'une atmosphère inerte à base d'azote pur. L'importance de la somme énorme de connaissances collectées par les historiens sur les techniques de guerre et de construction navale, ainsi que sur la vie quotidienne en Suède dans la première moitié du XVIIe siècle, est longuement soulignée sur les documents proposés aux visiteurs. Les deux amis pénètrent alors dans la salle principale du musée Vasa. Pour faire face au problème de la dégradation inévitable du navire, celle-ci est maintenue à une température de 18 à 20 degrés ainsi qu'à un niveau d'humidité de 55%. Maxime raconte à Faustine qu'en 1961, tout le monde a été surpris par l'excellent état du Vasa malgré un séjour de 333 ans au fond de la mer. Et tu sais pourquoi ? Non. Parce qu'il n'y a pas de tarets, ces petits mollusques qui s'attaquent aux bois immergés en mer Baltique. Mais aussi et surtout parce que l'eau du chenal était si polluée jusqu'à la fin du XXe siècle que même les micro-organismes les plus résistants avaient du mal à survivre. En plus, le bateau était tout neuf, donc moins facilement attaquable. Il fait faim après la visite. Maxime aimerait bien tenter une adresse de resto transmise par un de ses contacts. C'est un tout petit boui-boui juste à côté du palais royal où on sert un frichti assez spécial. Des légumes revenus au beurre coupés en tout petits dés accompagnés de lardons sur lesquels on a cassé un œuf. Faustine ne connaît pas encore les fameuses boulettes suédoises, celles qu'elle mangera chez Ikea bien des années plus tard, avec une sauce aux érelles. Il n'empêche, malgré ou à cause de sa simplicité, le repas est hors de prix. La vie en Suède est affreusement chère, apprend Faustine. On dit que les Suédois paient beaucoup d'impôts, grâce à quoi ils bénéficient de soins médicaux gratuits, entre autres avantages. Mais il se murmure qu'il y a beaucoup de dépression au pays de la liberté sexuelle. Le lendemain, pour leur dernier soir, Maxime emmène sa jeune maîtresse dans les caves d'un vieux château. Ils y mangeront de la chasse, accompagnés de petites pâtes spéciales qui ressemblent aux spätzle suisses et de confitures d'érelle. Et comme boisson, de l'eau. Le vin est si cher, la bière si fade, que Maxime préfère se passer de l'un comme de l'autre. Les Suédois et l'alcool, c'est une longue histoire. Les spiritueux sont vendus hors de prix dans les magasins d'État. Les autochtones ont la réputation de boire sans limite quand ils le font. S'ils n'ont pas vécu la grande époque de la prohibition comme aux États-Unis, ils y sont passés très près, et nombreuses sont les restrictions. Pas d'alcool en dessous de 20 ans, pendant la semaine travaillée, ni en public. Après leur excellent repas, Maxime et Faustine déambulent dans la vieille ville à la recherche d'une cave à jazz qu'on a signalée au clarinettiste. Quand ils la trouvent, la soirée a déjà bien commencé. Maxime n'a que le temps de monter son biniou avant d'être appelé sur la scène. Tous parlent un anglais approximatif, composé par des gestes et grands renforts de notes. Gentil mais un peu sceptique, les autres musiciens attendent de voir ce que le nouveau a dans le ventre. Lorsqu'il réalise qu'il n'est pas trop manche à la clarinette, la soirée évolue à la satisfaction de tous. Les musiciens s'amusent, le public est conquis. Faustine écoute le groupe tout en observant les clients. Si on lui a mis dans les mains un verre plein d'une lavasse insipide, appelée bière, les autres ont presque tous un petit sac brun, laissant passer un goulot qu'ils biberonnent allègrement. Pas de partage au pays de l'alcool dispensieux, chacun pour soi. Bien plus tard, le niveau des flasques au minimum, vu l'enthousiasme grandissant de la foule, tout le monde s'est décoincé d'un coup. Les applaudissements fusent, le taux de décibels explose. Après plusieurs rappels, le morceau final avoisine le délire. Au moment de la séparation, tous les gars de l'orchestre embrassent Faustine, promettant de se revoir très bientôt à Stockholm, Nice ou Paris.